fois, le seul langage que nous pouvons avoir, c'est l'adoration. Parce que nous ne pouvons pas lui rendre tout ce qu'il a eu à faire dans notre vie. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions disposer nos cœurs, que nous puissions manifester cette reconnaissance. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui a eu à se passer tout au long de cette journée. Mais malgré là, nous nous retrouvons en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut adorer son Dieu en signe de reconnaissance, en signe de gratitude, en signe de dire merci? Nous allons élever ce grand nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes tes grâces. Merci Seigneur. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, e Mungu. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Tu cuvânt. D'être présent parmi vous dans la présence de notre Dieu, lui qui est le maître du temps et le maître des circonstances, lui qui a voulu que nous puissions être présents, il mérite notre reconnaissance. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité. Et nous disons aussi merci à notre papa pour le choix qu'il a dû opérer sur notre modeste personne afin que nous puissions encore nous tenir debout devant vous pour vous annoncer sa parole. Nos remerciements vont tout droit aussi à maman qui est présente parmi nous. Que Dieu aussi bénisse sa présence. Nous bénissons aussi les collèges des anciens et des diacres. Et nous bénissons le peuple de Dieu que vous êtes. Parce que vous avez compris ce qui est écrit dans Acte 2 à partir du verset 42. Ce n'est pas notre sujet du jour. Mais l'Esprit m'a mis à cœur de pouvoir commencer par là et partager pour comprendre pourquoi est-ce que nous devons être ensemble, réunis ensemble dans sa maison. Kwanzia pale ili tupate kuelewa kwa nini tuko pamoja ndani ya nyumba ya baba. Acte 2 à partir si nous pouvons d'abord nous commençons par le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Est-ce qu'on peut acclamer les saints? Bien-aimés, 3000 âmes furent ajoutées à l'église. 42e verset. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Lorsque nous rencontrons Christ dans notre vie, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, lorsqu'il nous met dans sa maison, c'est pour que nous puissions être ensemble. Et en étant ensemble, c'est pour bénéficier de sa nourriture, l'enseignement qui est sa parole. On nous dit que l'enseignement est une lampe et une lumière. C'est elle qui va vous éclairer, bien-aimés. Les raisons pour lesquelles nous avons besoin de cet enseignement ici. Ils étaient assidus au temple. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de préférence ni de goût des jours qu'ils devaient choisir pour être à l'église. Chaque jour, ils étaient dans la présence de Dieu. Et je prie ce soir que ce soit la décision de chacun de nous. Job dit ceci: à tes résolutions répondra le succès. Bien-aimé, le psalmiste dit ceci: me présenter devant toi, m'approcher devant toi, c'est un bien. Bien-aimé, la présence de Dieu nous fait toujours du bien. Alors, je regrette ceux-là qui sont en dehors, qui ne sont même pas dans les temples. Bien-aimé, vous ratez de bonnes choses. La présence de Dieu nous fait toujours du bien. Il faut désirer la présence de Dieu. Ne soyons pas comme Marthe, donc avec Marie, devant Jésus. Martha s'occupait de beaucoup de choses. Mais Marie était attachée aux pieds de Jésus. Que nous soyons attachés, accrochés à ce Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je viens auprès de toi. Papa, je veux parler de ta part. Je veux que Dieu, tu me remplisses de ta connaissance. Que tu me donnes tes paroles. Que tu me donnes des mots, Saint-Esprit, que je parle, Seigneur, avec autorité et que je puisse, Père, annoncer les vertus, ô Dieu, du ciel. Comme, Père, tu as besoin, ô Dieu, que ton peuple te suive et que ton peuple soit changé et transformé. Saint-Esprit, viens à notre secours, donne la capacité de compréhension, donne la capacité d'expression, toi qui es le Dieu fidèle. Nous rendons captives toutes pensées à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous brisons et nous condamnons toute pesanteur ce soir au nom de Jésus-Christ, Père. Yahweh, que ce jour-ci, Seigneur Dieu, que ce soit un jour agréable parce que nous sommes debout devant toi. Que ton amour, Père, nous soit favorable ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans le thème de l'année. Le thème de l'année nous dit ceci: mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On a tiré ce thème de Daniel 11:32b. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On dit connaître Dieu et agir avec fermeté. Ceux-là qui connaissent Dieu, ils doivent suivre Dieu. Ils doivent connaître Dieu. Et en connaissant Dieu, il y a les bénéfices qui résultent de cette connaissance. Nous allons prendre le sous-thème que papa nous a donné. Vaincre dans la vie par la connaissance de Dieu. Je reprends encore. Vaincre dans la vie par la connaissance de Dieu. Bien-aimé, ne peut vaincre que celui qui a la connaissance de Dieu. Si tu n'as pas de connaissance, il n'y a pas de victoire pour toi. La victoire appartient à ceux qui ont les informations de la part de Dieu. Mais si tu n'as pas de connaissance, n'as pas des informations, n'espère pas à une victoire. Raison pour laquelle que cette année, le thème qui nous a été donné, je prie vraiment que ce thème ne soit pas un slogan pour nous, mais que nous puissions vivre ce thème dans notre vie, que nous puissions vivre ce thème dans notre marche chrétienne, dans notre vie de tous les jours avec le Christ. Ça serait vraiment un gain pour nous, mais ça serait désolant si à la fin de l'année nous n'avons pas vraiment marché selon le thème, nous n'avons pas agi selon le thème. Beaucoup d'orateurs sont passés, ils ont défilé ici, les pasteurs en introduisant le thème de l'année, ils avaient eu vraiment à spéculer sur les mots connaissance. Quand je vous épargne les détails, mais nous allons essayer un peu de parler sur la connaissance, parce qu'on nous dit vaincre dans la vie par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu lui-même, c'est quoi? La connaissance de Dieu lui-même, c'est toute une source de sagesse. C'est une source de plénitude. La connaissance de notre Dieu, c'est un but ultime de la foi chrétienne. La foi que nous devons avoir doit avoir comme soubassement, doit avoir comme base la connaissance de Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, bien aimé, on va être dans l'égarement. On va passer outre. Raison pour laquelle nous disons, cette connaissance, elle est pour nous une source. Et nous devons être à cette source pour voir comment connaître Dieu et comment marcher avec Dieu. Bien aimé, dans les combats spirituels, on définit la connaissance comme étant une arme puissante. Une arme puissante. Bien aimé, pour vaincre, on a besoin de la connaissance de Dieu. C'est une arme qui n'est pas une arme charnelle, mais c'est une arme spirituelle. C'est la parole de Dieu que nous devons avoir. Et la raison pour laquelle on nous dit ceci, on ne peut pas affronter un adversaire si on n'a pas de renseignements sur l'adversaire, si tu n'as pas de connaissances sur ton ennemi, si tu n'as pas de connaissances sur une force maléfique, il te sera difficile de pouvoir faire face à cette force là-bas. Et quand on parle du combat spirituel, quand on parle du combat spirituel, nous sommes en train de voir la délivrance. La délivrance sous toutes ses formes. Bien aimé, si nous devons vraiment vivre la délivrance de notre vie dans tous les aspects, nous devons avoir la connaissance de Dieu. Nous pouvons lire pour élucider un peu ces points. Acte 19, 14 à 17. Ok. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit était, l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent devant cette maison nue et blessée. Alléluia. Amen. Ça, c'est les combats spirituels. Une vita ya kiro. Bien aimé, on ne peut pas s'engager dans les combats spirituels. Si les sept fils de Sivan pensaient faire comme Paul. Parce que quand Paul évangélisait, quand Paul prêchait, on prenait même les linges qui avaient touché Paul. Les linges qui touchaient Paul. On pouvait prendre ces linges et les appliquer sur le malade et le malade guérissait. Maintenant, le fils de Séva voulait aussi copier, mais n'ayant pas la connaissance, il disait ceci: au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la connaissance de Jésus. Parce que pour parler de Jésus, il faut rencontrer Christ dans sa vie. Et quand on rencontre Christ dans sa vie, vous aurez l'autorité de Christ. Et c'est cette autorité de Christ qui va aussi vous permettre d'opérer des miracles, qui va vous permettre de délivrer. Mais elle n'avait pas cette connaissance. Ils se sont lancés à une aventure. Et laquelle aventure avait mal tourné. Lorsqu'ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, l'esprit malin qui était dans cet homme-là, et cet esprit s'est lancé contre eux. L'esprit les a tabassés jusqu'à ce qu'ils sont restés nus et ils sont sortis blessés. C'est-à-dire sur les corps, il y avait des blessures. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenté de toucher à ce qui est spirituel. Ils ont tenté de faire l'expérience avec Paul, oubliant que Paul avait fait la rencontre avec Christ sur le chemin de Damas. Parce que sur le chemin de Damas, Paul, qui s'appelait Saul, a rencontré Christ. Et il a été changé. Il a été transformé en un homme qui n'était pas celui qu'on considère comme étant le meurtrier. Et avec cet homme ici, il a commencé à opérer des miracles. Et il voulait aussi emboîter le pas. Bien aimé, dans cet exercice-là, ils sont sortis honteux et confus. C'est là où nous disons ceci. Dans les combats spirituels, la connaissance de Dieu est vraiment une arme puissante. Si vous ne connaissez pas Dieu, il ne faut pas s'hasarder. Parce que l'esprit malin, les démons, ils peuvent se retourner contre vous. Nous avons un deuxième exemple. Nous pouvons lire dans Matthieu 17, 21. Si on peut nous balancer Matthieu 17, 21. Nous sommes dans l'enseignement. Matthieu 17, 21. Ok. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Pendant qu'il parle. Est-ce qu'on peut aller avant 21? On peut encore reculer. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dire en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? 20, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Et c'est là où on dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on nous dit ceci. C'est par votre petite foi que vous avez échoué de chasser les démons. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui avait son enfant qui était lunatique et qui souffrait, qui était malade. Il a amené son enfant aux disciples, mais les disciples de Jésus ont échoué de chasser ces démons. Bien-aimé, la connaissance de Dieu est vraiment utile dans les combats spirituels. Pourquoi? Parce que c'est l'arme qui va nous permettre de nous en sortir dans les combats. Notre vie ici-bas, c'est une vie de combat. Et pour s'engager dans ces combats, il faut être outillé. Et l'outil que nous avons besoin, c'est la connaissance de Dieu. Les disciples ont échoué parce qu'ils ne connaissaient pas les principes qu'il fallait appliquer dans ce cas ici. Ils ne savaient pas qu'il fallait utiliser leur foi. Ils ne savaient pas qu'il faut être un homme de prière. Ils ne savaient pas qu'il faut avoir une discipline de jeûne. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas n'importe qui peut vraiment l'opérer. La délivrance, c'est appartient aux gens qui sont disciplinés. Et pour avoir la discipline, il faut avoir la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu détermine la taille de l'Église. La connaissance de Dieu détermine la taille de l'Église. L'Église est le corps de Christ, comme on nous le dit. Et l'Église est constituée de membres. Il y a des personnes. Nous avons des frères. Nous avons des sœurs qui constituent l'Église. Maintenant, ceux qui constituent l'Église, ils doivent faire quoi? Ils doivent avoir la connaissance. Donc, ils doivent avoir la connaissance. C'est-à-dire, ils doivent mettre en pratique les lois et le principe de Dieu. Pour que vraiment l'Église soit une Église de taille. Nous devons mettre au service de l'Église les lois et le principe que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est moi, c'est toi qui composons cette Église. Et à cela, tout ce qu'on nous apprend, tout ce que la Bible nous dit, les lois, les principes que la Bible nous donne constituent notre connaissance. Et cette connaissance, nous devons le mettre aussi au bénéfice de l'Église. C'est pour laquelle, si l'Église est constituée de membres qui mettent en pratique les lois et les ordonnances, cette Église va s'agrandir. Et pour si l'Église s'agrandit, bien aimé, l'Église va éclore. Et pour cela, nous allons pousser l'Église à une dimension. La dimension numérique. La dimension de croissance. La dimension spirituelle. C'est quand nous avons la connaissance de Dieu. Mais si nous n'avons pas de connaissance, nous allons rester toujours en nombre réduit par rapport à ce que Dieu veut. Parce que nous venons de lire dans Actes 2:41. Ceux-là qui recevaient Jésus, environ 3000 âmes dans un jour, ils ont rejoint l'Église. Et raison pour laquelle nous disons la connaissance nous amène à la taille d'une Église. Et l'autre point, la dimension d'une église est fonction de la qualité de ses membres. Je reprends, la dimension d'une église est fonction de la qualité de ses membres. C'est pourquoi il nous a été dit, la qualité de votre vie chrétienne dépend de la connaissance que vous avez pour votre Dieu. La qualité de votre vie chrétienne dépend de la connaissance que vous avez pour votre Dieu, pour la dimension d'une église. Bien aimé, une église doit avoir une dimension numérique, doit avoir une dimension spirituelle, doit avoir une dimension d'extension. À l'occurrence de l'église sous féconde, l'église sous féconde est en train de partir dans une dimension de l'église, de dimension d'extension. Nous voyons comment dans la vision du visionnaire, l'église est en train de se répandre partout. L'ennemi n'a pas plus longtemps. L'œuvre de Dieu, l'œuvre qui est spirituelle, l'Esprit de Dieu qui est présent, l'Esprit de Dieu est en train de faire le travail. Nous avons vu ce qui s'est passé ici. Aujourd'hui, l'église sous Fécondo a des ambassadeurs partout. Aujourd'hui, l'église sous Fécondo peut compter sur ses serviteurs qui doivent parler, prêcher en son nom au niveau international. Nous avons des enfants, des jeunes serviteurs que Dieu a oint. Nous sommes en train de faire la fierté de l'église. Bien aimé, la dimension d'extension de l'église a besoin de gens de qualité, a besoin de serviteurs de qualité, les membres de qualité. Toi là, tu y es. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'aux extrémités. L'église doit s'étendre. Et si l'église doit s'étendre, on doit voir quelle est la qualité de ses membres. On est évangéliste. Est-ce que je suis à mon poste? Est-ce que je fais l'œuvre? Alléluia. Je suis évangéliste. Est-ce que je fais l'œuvre? J'ai dit je suis choriste. Est-ce que je fais l'œuvre de choriste? Bien aimé, la chrétienté, ce n'est pas à l'église. Alléluia. Amen. La chrétienté doit se vivre partout. Christ, et nous devons vraiment manifester cette chrétienté à l'endroit où nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. J'ai aimé le modérateur ce qu'il a dit. Bien aimé, la chrétienté, en tout cas, c'est notre richesse. Et nous devons valoriser cette richesse. C'est à partir de nous que les autres viendront. Amen. Amen. Parce que l'église veut s'étendre. Les choristes ont bien chanté. Ils ont dit une chose qui m'a plu. Maïsha yene mana. Maisha yenye maana kumtumikia mwokozi. Mungu. Alléluia. Amen. Qui est le serviteur de Dieu ici? Nani mtumishi wa Mungu hapa? Donc il y en a qui ne mettent pas les. Ku bengina banyolosha ta mkono. Ça dit on n'est pas serviteur. Asitujue fasi yako. Alléluia. Amen. Si on est serviteur, on peut acclamer pour soi-même. Kama uko mtumishi mtendakazi utajipikia mikono. Bien-aimés, mettons notre qualité au service de l'église pour pousser l'église dans sa dimension d'extension. En tant qu'église de dimension, nous devons nous interpénétrer. Alléluia. Amen. On doit vivre la communion. On doit dire que non, vraiment, ça, ce sont les enfants de Papa Désiré. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les enfants de la source féconde. Alléluia. Amen. On doit valoriser la renommée qu'a notre Père. Baba yetu. Bien aimé, wapendwa, il faut suivre les traces. Alléluia. Amen. Il faut suivre les traces. Manjia. On doit s'interpénétrer. Comment sont nos salutations? Les salutations doivent être mutuelles. Parce que nous avons besoin d'amener l'église dans une dimension. Et s'il faut que l'église puisse être cette église d'une telle dimension, mais comment se comporte le membre qui conçoit cette église? Et raison pour laquelle nous avons besoin Le respect doit être mutuel. Heshima inapasha kuwepo. Les salutations doivent être mutuelles. Usalimiana kunapasha kuwepo. Nous sommes là enfants de Dieu. Tuko hapa watoto wa Mungu. Nous nous disons que nous appartenons à un Dieu. Tunasema tuko watoto wa Mungu. Et nous avons pour père le pasteur Désiré. Bien-aimé, on doit voir réellement notre communion fraternelle. Bien-aimé, ce n'est pas de la bouche. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Et ce peuple ne m'honore que par des lèvres. Mais son cœur est éloigné. Bien-aimé, lorsque le cœur est éloigné, c'est le signe de dire qu'on ne connaît pas Dieu. On ne peut pas être les enfants d'une même maison, mais on ne se salue pas. On ne peut pas être les enfants d'une même maison, mais on ne partage pas les mêmes sentiments. On ne partage pas les mêmes pensées. En tant qu'enfant d'une même maison, bien-aimé, cela doit nous caractériser. Et cela doit amener l'Église dans sa dimension. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, nous sommes dans Romains 12, le verset 2. Romains 12, verset 2. J'ai dit ceci, nous sommes dans les enseignements. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation de l'esprit. La transformation de l'intelligence. Bien-aimé, l'intelligence est pour comprendre. Si Dieu nous donne l'intelligence, c'est pour comprendre les choses de Dieu. Nous avons besoin de la connaissance. La connaissance vient de la révélation. Comme le pasteur David. Et la révélation nous donne vraiment à vivre avec Dieu au quotidien. Si nous avons la révélation, à la révélation nous avons la connaissance. Et quand on a la connaissance, on agit avec fermeté. C'est pourquoi on nous a dit, c'est à ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Si on a la connaissance qui est renouvelée, on agit avec fermeté. C'est pourquoi nous devons être des enfants ou des membres qui sont régénérés. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Mais si on constate que là où il y a le peuple de Dieu, les gens ne bougent pas. Au lieu de la vie, c'est la mort, ça dit l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et l'Esprit de Dieu, quand il vient, c'est pour nous transformer. Quand on parle de la transformation, on voit le changement. Et la transformation doit être totale. La transformation doit être intégrale. La transformation doit être radicale. Et nous allons comparer cette transformation par rapport à la transformation d'une chenille. Quand nous voyons la chenille, elle va à un certain moment se transformer pour donner une autre étape à un papillon. Et nous sommes obligés de nous conformer à cet exemple là-bas. On était chenille et on doit être papillon. Parce que quand Dieu nous envoie son esprit, c'est pour nous transformer. Comment nous raisonnons? Comment nous réfléchissons, notre façon de penser, notre façon de réagir, notre façon d'agir doit être vraiment différente. Et quand on ne connaissait pas Christ, maintenant quand on connaît Christ, on doit agir autrement. La Bible dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme enfant, j'agissais comme enfant. Maintenant que je deviens adulte, bien-aimé, le raisonnement doit changer. Je dois changer ma façon de concevoir. Je dois changer ma façon de concevoir. C'est ça la transformation. Donc je passe de cette étape de chenille à l'étape de papillon. Parce que l'Esprit de Dieu m'a régénéré. Là où je parlais, cesse. Je commence à parler utile. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'a régénéré. Et si cet Esprit me régénère, je ne serai pas le même. Bien-aimé, Jésus-Christ, il était comme un agneau. comme une brebis qu'on pouvait amener à la boucherie. Il s'est simplement fait homme, lui qui était Dieu. Mais à combien plus forte raison nous, les humains, et raison pour laquelle nous avons besoin de changer. Et quand on change, le triomphe ne concerne pas la dimension matérielle, la dimension physique, la dimension financière, mais le triomphe doit aussi concerner la dimension spirituelle. Et c'est dans cette dimension spirituelle, dans la transformation, où nous allons relever double aspect de la transformation. Et parmi les deux transformations que nous avons, il y a la transformation intérieure, il y a aussi la transformation extérieure. Si nous allons dans le livre de Romains 12 que nous venons de lire ici, c'est quoi se transformer? Se transformer, c'est changer ce que nous sommes intérieurement. Donc ce que nous sommes intérieurement, c'est ce qu'on appelle se transformer. On doit changer. C'est-à-dire l'homme intérieur, mon homme intérieur, c'est lui qui te dit que tel acte est bon, tel acte est mauvais. Cet homme-là doit être changé. L'intérieur. Et la transformation véritable doit commencer à partir de l'intérieur. Parce que ce que je suis à l'intérieur va prouver ce que je suis à l'extérieur. Ce que je suis à l'intérieur reflétera ce que je suis à l'intérieur. Ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. Raison pour laquelle la première transformation par laquelle l'homme doit passer, c'est la transformation intérieure. Et qui parle de la transformation intérieure, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre personnalité, on voit notre nature profonde, on voit nos pensées, on voit nos désirs. Bien aimé, notre personnalité, notre nature profonde, nos pensées, nos désirs doivent refléter les sentiments de Jésus. Comment est-ce que nous marchons? Comment est-ce que nous nous comportons? Et cela doit être visible. Quand ça se fait de l'intérieur, de l'extérieur, on doit observer cela. Cela, on dira, en tout cas, celui-ci, c'est un chrétien. Amen. Amen. Rappelez-vous à Antioche. À Antioche. C'est là où on a constaté que ceux qui vivaient là, ils vivaient d'une manière pieuse. Et leur façon de vivre, on les a considérés, on a dit que non, et véritablement ça, ce sont des chrétiens. Alléluia. Le mot chrétien vient de Christ. On nous appelle chrétiens parce que nous dérivons de Christ. Si nous venons de Christ, ayons le même sentiment qui était en Christ. Nous devons vivre comme Christ. Christ avait toutes les caractéristiques possibles en lui. Toutes les valeurs en lui. C'était un homme qui pardonnait. Il avait l'amour. Et c'est pourquoi on nous dit son amour couvre toute une multitude de péchés. Ce n'est pas n'importe qui. Raison pour laquelle cette transformation doit commencer par l'intérieur. Et si nous lisons dans les livres de Romains 14, à partir du 3e verset, Romains 14, verset 3. Celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Et si nous sautons, nous allons au verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, Jésus, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous, je suis vivant, dit le Seigneur. Qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Qui es-tu, toi qui méprises ton prochain? Bien-aimé, c'est pour dire ceci. Si quelqu'un est animé par un sentiment de mépris, il n'a pas encore rencontré Christ. Il n'a pas Christ dans sa vie. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas la connaissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, et celui qui méprise, et celui qui est méprisé, si tout le monde attaque tout le monde, mais au dernier, la Bible déclare, tout genou fléchira. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Raison pour laquelle il y a toujours un quelque chose qui nous attend. Il y a une réprimande qui nous attend. Si réellement nous n'entretenons pas notre être intérieur, parce que devant Christ, nous allons rendre compte. Toute langue donnera gloire à Dieu. C'est-à-dire quoi? On dirait que c'est Dieu qui est juste. Moi, je suis pécheur. C'est pourquoi, en étant pécheur, nous devons changer. Et la transformation extérieure, qui est la deuxième transformation, nous sortons cela dans le livre de 2 Corinthiens 11, de 13 à 15. Là, je ne vais pas lire pour aller vite. Donc, ça, c'est l'inverse. À l'inverse, le mot grec se transforme par « se déguiser ». Donc, là, ce n'est pas transformé, c'est déguisé en grec. Et en grec, ce terme indique un changement qui n'est que superficiel, qui se limite à l'apparence extérieure. Donc l'apparence extérieure, lorsqu'on voit dans l'apparence extérieure, c'est que l'homme de l'intérieur est en train de faire. Si l'homme n'a pas changé de l'intérieur, et il dégage les choses de l'extérieur, c'est là où on reconnaîtra que réellement cet homme n'a pas encore connu Dieu. Et nous sommes dans le livre de 1 Pierre, verset 3:3. On nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux, dans le tresse, dans les ornements d'or, ainsi de suite. Bien-aimés, donc la vie chrétienne, ce n'est pas l'extérieur. La vie chrétienne, c'est l'intérieur. On nous parle de la parure. On peut se sorner, on peut se parer de l'extérieur. On porte de beaux cheveux, on porte de l'or, on porte des chaînettes en or, mais ce n'est pas ce qui doit faire de nous chrétiens. Mais ce qui doit faire de nous chrétiens, c'est quand nous allons passer par le brisement. Et ces choses-là ne vont plus apparaître. On va maintenant commencer à lire que réellement nous sommes enfants de Dieu. Parce que la parure nous trompe beaucoup. Et c'est ce qui fait que, selon Paul, nous ne sommes pas encore là jusque-là transformés. Parce que pour la transformation, c'est dans les moindres détails. Si on doit être transformé, c'est dans les moindres détails. Amen. Amen. Le changement doit aussi impliquer davantage que de changer ce que nous paraissons être. Donc, à avoir comme ça, on veut qu'on nous voit que réellement nous avons changé, que nous sommes déjà transformés, mais du moment que nous ne sommes pas encore transformé. C'est pourquoi cette transformation doit être réelle. Est-ce que je considère comme inférieur ceux qui possèdent les choses que moi je n'ai pas? Est-ce que je considère comme inférieur ceux qui ne possèdent pas les choses que moi je n'ai pas. Est-ce que je ne considère pas les autres pour cause de tribalisme, pour cause de nationalité, pour cause de race, selon ce que nous dit Jacques, et tout ça, si vraiment nous sommes en train de le pratiquer, cela prouve à suffisance que nous n'avons pas encore subi l'étape de la transformation. Raison pour laquelle nous devons faire bon accueil. Amen. Amen. Paul, dans le livre de Job, verset 34, disons, on nous dit, Dieu ne connaît point d'injustice. Et Dieu n'a pas égard à l'apparence des princes. Il ne distingue pas les riches et les pauvres. Parce qu'ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Selon Dieu, nous sommes son ouvrage. Chez Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Chez Dieu, il n'y a point d'apparence. Et chez Dieu, il considère tout le monde de la même manière. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mais quand nous nous considérons comme étant supérieurs, les autres sont inférieurs. Cela prouve à suffisance qu'on ne connaît pas Dieu jusque-là. La connaissance de Dieu, c'est ce qu'on nous a dans la parole. Nous devons être humbles afin que lui nous élève. Afin que lui nous élève. Parce que l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Si nous marchons humblement devant Dieu, Dieu va nous élever. Mais si nous sommes orgueilleux, Dieu va nous abaisser. À la place où nous sommes, si je suis roi, il va me faire comme un prince quelconque. Si je suis un captif, il va me faire passer de la captivité à la royauté. Nous avons vu avec Daniel. On a vu avec Daniel. Daniel, c'était ce jeune homme-là qui avait prié, qui avait cherché la révélation. Et Dieu lui a révélé le rêve que le roi avait fait. Et comme il était captif, en révélant ces choses, en expliquant ces choses, Daniel a trouvé gain de cause devant le roi. Et il n'était pas ce captif-là. Il n'était pas cet esclave-là. Mais il est passé de l'esclavage à la deuxième personnalité du pays à Babylone. Et c'est toi aussi, si tu le fais ainsi, bien-aimé, Dieu est capable de te prendre et de t'élever pour que tu puisses occuper un poste élevé. On nous a dit ici, la connaissance va te positionner. La connaissance nous positionne. Les jeunes gens qui étaient ici, qui ont travaillé ici, Dieu les a positionnés. Tout comme toi qui es ici ce soir, Dieu est capable de te positionner. Les Corinthiens qui sont ici, Dieu est capable de vous positionner. Vous n'avez pas besoin d'être seulement ici. Le pasteur a dit l'autre fois qu'il va signer un contrat avec vous. Maintenant, s'il signe ce contrat, pour vous dire que je vous envoie à Kinshasa. Bien-aimé, c'est dans cet état d'humilité que tu pourras avoir les billets pour aller à Kinshasa. L'humilité précède la gloire. Daniel, qui était esclave, n'était pas resté à la position d'esclave. Il est passé du statut d'esclave pour aller à la statue, donc au statut d'un fonctionnaire qui occupe la deuxième place dans le royaume. Et Dieu est capable aussi de le faire avec toi. Et c'est possible. Bien-aimé, il est possible de remporter la bataille sans disposer des informations. Si on n'a pas de connaissances, c'est difficile de pouvoir avoir la victoire. Si on n'a pas des informations, si on n'a pas la connaissance, c'est difficile de remporter une victoire. Celui qui remporte la victoire, c'est celui qui possède la connaissance. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. C'est là où nous parlons de notre thème d'aujourd'hui. On nous dit ceci. Vaincre dans la vie avec la connaissance de Dieu. Comment on peut vaincre dans la vie avec la connaissance de Dieu? C'est quand nous possédons les informations pour remporter la victoire, pour avoir une bataille. C'est en possédant la connaissance. Et si on n'a pas cette connaissance, il nous sera difficile. Et la raison pour laquelle, dans les livres que nous venons de lire de Romains 12, verset 2, on nous dit soyez transformés. Soyez transformés. Et dans les livres de 2 Corinthiens, le chapitre 5, on nous dit tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, pour que nous puissions remporter, pour que nous puissions gagner la bataille, pour que nous puissions vaincre, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la connaissance de Dieu. Il faut renverser les raisonnements. Dans les livres qu'on venait de lire, de Nombre 14, Dieu est en train de se plaindre du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël que lui a fait sortir de l'Égypte. Ce peuple était captif en Égypte. Ce peuple était asservi en Égypte. Il était esclave en Égypte. Mais Dieu, par sa souveraineté, avait envoyé Moïse. Et Moïse avait vraiment fait des miracles. Et ce qu'il avait fait au dernier miracle, que le pharaon puisse libérer les enfants de Dieu. En libérant les enfants de Dieu, ils sont partis. Mais pendant la marche dans le désert, ils se sont heurtés. Ils se sont arrêtés quelque part. Et Moïse devait envoyer les espions. Et les espions qui devaient être envoyés à Canaan. Parce que Canaan, c'était leur terre promise. C'est là où il y avait le lait et le miel. Comme toi et moi ce soir. Dieu veut que nous puissions entrer chacun dans son Canaan. Pour vraiment vivre le breuvage. Pour vivre le breuvage. Pour vivre vraiment la nourriture que Dieu nous a réservée à Canaan. Le lait et le miel. C'est ce qui nous attend en Canaan. Et le peuple de Dieu, il était impatient. En étant impatient, il a commencé à murmurer. Il murmurait contre Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as sortis de l'Égypte pour que nous puissions mourir devant les ennemis? Non, nous voulons rentrer à l'Égypte. Et Moïse a consulté Dieu. Et quand Moïse a consulté Dieu, Dieu était vraiment étonné. Dieu était stupéfait. Dieu s'est dit, pourquoi ces peuples ne croient-ils pas au miracle que Dieu fait? Dieu a fait tant de miracles, mais ces peuples n'ont pas cru. Bien aimé, quand on n'a pas de croyance, c'est un signe de dire qu'on n'a pas de connaissance envers son Dieu. Quand tu manques la foi, tu ne connais pas Dieu. Devant le géant, Israël a commencé à trembler. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de découragement. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de peur. La Bible déclare, c'est un esprit de force. Oh, ces peuples-là avaient oublié qu'ils avaient un Dieu puissant. Le Dieu qui était capable de le faire sortir de l'Égypte pour le faire entrer à Canaan. Mais parce que les Égyptiens sont rentrés avec un tel rapport, que ceux-là que nous avons trouvés, ce sont des géants, les fils d'Anak. Bien aimé, tout dépend de la façon dont tu représentes Dieu dans ta vie. Si Dieu est dans ta vie, c'est un Dieu incapable. Si Dieu est dans ta vie, c'est un Dieu qui ne peut rien. Si Dieu est dans ta vie, c'est un Dieu qui va échouer. Effectivement, tu vas échouer. Parce que ça dépend de ton Dieu que tu représentes. Mais si tu te fais l'image du Dieu créateur, le Dieu qui a le pouvoir de sauver, le Dieu qui a le pouvoir de sauver, le Dieu qui a le pouvoir de délivrer, tu ne vas pas prendre Dieu et tu le réduis comme étant un petit prince. Dieu est celui qui est le Dieu qui se trône au siège. Et tu es là pour prendre des décisions. Maintenant, si toi tu n'as pas cette façon de voir, cette façon de concevoir ce Dieu que nous prions, la victoire ne viendra pas. La victoire appartient à ceux qui sont violents et ceux qui regardent d'une façon positive l'appréhension de Dieu. Mais si toi tu vois Dieu comme un petit, bien-aimé, la victoire ne te sera pas accordée. Raison pour laquelle ils ont commencé maintenant à se plaindre, à murmurer devant Moïse. Nous sommes allés. C'est ça, ce sont les espions qui donnent les rapports. Nous sommes allés à Cana. Nous avons exploré Cana. Nous avons trouvé les géants. Et nous sommes sortis devant eux comme des sauterelles. Et nous aussi devant eux. Ils nous voyaient comme des sauterelles. Bien-aimé, moi je ne suis pas sauterelle. Toi tu n'es pas sauterelle. Tu es créé à l'image de Dieu. Et le Dieu qui t'a créé, il te donne de la valeur. Le Dieu qui t'a créé, il te donne de l'importance. Mais ne te considère pas tel que le monde te considère. Si tu te considères selon que le monde te considère, tu es en train de minimiser Dieu. Tu es en train de minimiser Dieu. Tu es en train de réduire Dieu. Ne réduis pas Dieu dans ta vie. Qui est Dieu dans ta vie? Qui est Dieu dans ta vie? Daniel avait donné un nom à Dieu. Daniel a dit que tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Bien aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne suis pas sauterelle parce que je sais que je suis un Dieu et avec Dieu, je vais réaliser les exploits. Et les exploits appartiennent aux violents. Les exploits, si tu es là, retiens ta part. Sois violent parce qu'avec Dieu, tu vas réaliser des grands exploits avec lui. La Bible déclare, avec lui, je me précipite sur une troupe en armes. Bien aimé, tu peux être seul. Tu peux être seul sans ta famille. Mais si Dieu est à côté de toi, il doit t'accorder la victoire. Et cette victoire sera aussi un source de salut pour ta famille. Ceux-là qui sont autour de toi, ils bénéficieront aussi de la victoire que Dieu va te donner. C'est pourquoi nous ne sommes pas n'importe qui. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus encore. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Allons devant. Moïse dit au peuple, gardez silence, l'Éternel combattra. Et Dieu va combattre. Tous les esprits qui s'élèvent contre nous, qui s'élèvent dans nos vies, qui serait dans nos familles, Dieu va s'élever. Une maladie qui était incurable, avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. C'est le monde qui lui a appelé cette maladie incurable. Mais chez Dieu, une maladie a toujours une solution. La femme qui a souffert 12 ans de perte de sang, elle s'est levée, elle s'est dit, si je peux aller toucher le pan de sa robe, lève-toi, touche le pan de la robe de Jésus. Et la maladie qui t'a vraiment importuné, ce soir, nous prions que cette maladie s'arrête au nom de Jésus. Parce que le Dieu que nous confessons, c'est un Dieu de victoire, c'est un Dieu de guérison. La parole de Dieu déclare, par ses blessures, nous sommes guéris. On nous a parlé des blessures, Dieu peut blesser et il a la capacité aussi de bander. Il a la capacité de guérir. Quelle est la blessure que Dieu a provoquée dans ta vie? Les souffrances, les difficultés par lesquelles Dieu te fait passer, c'est pour te rendre grand. C'est pour te fortifier afin que tu agisses avec fermeté. Si tu ne passes pas par les difficultés, tu vas prendre à la légère la marche chrétienne et par ce point tout, tu vas t'arrêter, te contenter seulement de paix que Dieu t'a donné. Parce que ce que tu as, n'est pas ce que Dieu a déjà défini pour toi. Dans le plan de Dieu, il te donnera encore. Mais si toi tu te contentes de ce que tu as, bien aimé, tu es en train de freiner le plan de Dieu dans ta vie. Ne bloque pas les plans de Dieu dans ta vie. Parce que ce que Dieu fait, va faire avec toi, c'est de te rendre grand. Amen. Israël voulait reculer. Mais Dieu les a poussés. Dieu va te pousser ce soir. Dieu va te pousser ce soir. Mais reste pas au niveau que tu es. Dieu ne te voit pas petit. Dieu te voit grand. La source est grande. La source est grande. C'est une grande église. Cette église ira de l'avant. Aura une autre dimension. Et avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Cette femme a tout fait. Elle a dépensé de son argent. Elle est allée voir les médecins, Je ne sais pas mesurer l'ampleur ou l'argent qu'elle avait dépensé. Mais moi, ce que je sais, lorsqu'elle s'est résolue d'aller vers Jésus, elle a été guérie. Alléluia. Amen. Elle a été guérie. Et c'est possible avec Dieu. Ceux-là qui ont tenté de chasser les démons au nom de Jésus sans les rencontrer, ils ont été confondus. Mais toi, lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu chasses les démons, les démons vont t'obéir parce que tu n'appartiens pas à n'importe quelle race, tu appartiens à la race des élus, la race de Dieu, de ceux que Dieu a déjà sauvé. Et si Dieu t'a sauvé, même s'il y a les lances, même s'il y a les traits qu'on lance vers toi, ne crée rien parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Dieu ne laisse pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. Mais ce que Dieu veut que nous puissions voir, croyons en lui. La croyance en Dieu définit vraiment que nous avons la connaissance de Jésus. Et cette croyance va nous positionner. Ce soir, tu as besoin que Dieu te positionne. Tu as besoin que Dieu te positionne. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce qu'Israël a crié. Israël avait peur. Mais je te demanderai. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de peur. Alléluia. Amen. C'est un esprit de force. Un esprit de courage. Un esprit de courage. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Ta façon de penser doit changer. Révolution ta façon de penser. Révolution ta façon de penser. Les dimanches, on a parlé des révolutionnaires. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire ce soir? Les gens qui vont révolutionner la source féconde. Les gens sur qui le passé va compter. Pour que la source féconde puisse aller de l'avant. Les révolutionnaires, ils sont là, ils vont acclamer pour eux. Dieu avait besoin des révolutionnaires. Révolution ta pensée. Change ta pensée. Le changement vient à partir de cette révolution. Car qui dit révolution dit changement. Alléluia. On ne peut pas être révolutionnaire si on n'est pas transformé. On ne peut pas être révolutionnaire si on ne fait pas changer les choses. Nous devons faire bouger les choses. Les choses doivent changer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Tout à chemin, ma prima. Nous allons prier Dieu. Tout à omba mungu. Bien-aimé, ce soir, wapendwa jioni ya leo, ce que Dieu veut, kile Mungu anataka, c'est que tu le connaisses. Umujue. Est-ce que tu connais Dieu? Akiko na mujua mungu? Qui connaît Dieu? Nani anamujua mungu? Et celui qui est dans la maison de Dieu. Uleko nanya nyumba ya mungu? La maison de Dieu est constituée des gens qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nyumba ya mungu inatunga bantu bene kumpokea Yesu. Est-ce que tu connais Jésus? Akiko sha mtambua mungu? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Usha kumpokea Yesu. Bien-aimé, sincèrement, si on n'a pas encore reçu Jésus, il est temps de donner sa vie à Christ. Parce qu'au dernier jour, Dieu va nous dire ceci. Tu as crié, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour toi. Mais lui te dira, ça c'était pour toi, et moi je ne t'ai jamais connu. Et si tu as déjà reçu Jésus, mais si tu ne vis pas la connaissance dans la connaissance de Dieu, si tu n'appliques pas la connaissance de Dieu, si tu ne pratiques pas la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est que lorsque nous méditons la parole, lorsque nous lisons la Bible, la connaissance de Dieu, c'est lorsque nous sommes transformés. Bien-aimé, est-ce que tu es transformé? Es-tu brisé? Est-ce que tu es toujours le même? Si vraiment on te taquine un peu, tu dis je vais déshabiller Christ, est-ce que tu es celui-là? Si tel n'est pas le cas, la première des choses que nous allons faire, reconnais vraiment que tu es en dehors de Christ, tu as besoin de Christ. Et si tu es en Christ, tu ne pratiques pas la connaissance, tu ne mets pas cette parole en pratique, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Parce que Dieu a besoin de transformateurs, des gens qui sont transformés, pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Des gens qui vont porter cette église dans sa dimension d'extension, dans sa dimension de croissance numérique, dans sa dimension de croissance spirituelle. Ce sont ça les gens que Dieu a besoin ici. Et ce soir nous prions. Prions, prions pour que Dieu nous fasse grâce. Gloire soit rendue à Dieu ce soir, Seigneur. Nous recommandons ce moment entre ton sainte main, Dieu. Papa, tu nous veux vraiment, Seigneur Dieu, dans la connaissance, ô Dieu de gloire, dans la dimension des connaissances de Dieu. Papa, je prie ce soir auprès de toi. J'écris ce soir auprès de toi, Saint-Esprit. J'en appelle auprès de toi pendant ce temps, Dieu. Seigneur, révèle-toi ton nom, Papa. Révèle-toi ton nom, Dieu. Révèle-toi ton nom, Papa. Révèle-toi ton nom, Dieu de gloire. Révèle-toi ton nom, Dieu tout-puissant. Révèle-toi ton nom, Dieu. Ce soir, je prie à toi, Seigneur. Je prie à toi, Dieu. Papa, change-moi. Papa, transforme-moi. Papa, change-moi. Transforme ma vie, Seigneur. Je le prie, Saint-Esprit, que je ne reste pas la même personne. Change-moi. Transforme ma vie, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, ô Dieu. Brise-moi, Saint-Esprit. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Brise-moi ce soir, Seigneur. Brise-moi pendant ce temps, Dieu. Que je sois cet homme, Seigneur, sur qui je peux compter, sur qui l'Église peut compter, sur qui l'Église peut compter, Seigneur, pour sa dimension de vie, pour sa dimension de croissance, pour sa dimension, Dieu de gloire, ô Dieu, d'extension. Saint-Esprit, je prie, Seigneur, donne gloire auprès de toi ce soir. Kati Kachina la Jésus-Christ. Babo tu es déché. Mongo tu saïti, mangale Seigneur Dieu. Kati Kachina la Jésus. Au nom de Jésus-Christ, c'est pas. Père, merci. Merci Jésus. Bien-aimé. Qui sont ces géants qui sont devant toi? Parce que tu es de la race des élus. Qui sont ces gens qui sont devant toi? Est-ce que les problèmes qui t'asseillent, les problèmes qui t'accablent là-bas, est-ce que tu les considères comme étant des problèmes qui sont vraiment difficiles, qui ne pouvons pas trouver la solution? Parce que Dieu dit ceci, rien n'est impossible à lui. Ne regardez pas ces problèmes comme étant un grand problème. Lisez ces problèmes ce soir. Et dis à Dieu, donne-moi la victoire sur ces problèmes-là. J'engage ma foi. Même si ça a traîné, même si ça a perduré, même s'il y a eu des obstacles, même si le diable s'est levé, même si c'est la maladie qu'on a déclarée incurable, même si la sorcellerie de ma famille s'est levée pour m'empêcher de faire la péché, ce soir, je prie que ces obstacles, que ces géants puisse tomber au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire. Papa, tout géant de ma vie, tout géant de ma vie, Seigneur. Oh, je prie, Papa, qu'il soit renversé ce soir. Qu'il soit renversé ce soir. Au nom de Jésus-Christ, c'est vrai. Au nom de Jésus-Christ, c'est Dieu. Je renverse ce soir tout géant de ma vie, Seigneur. Père Tout-Puissant, qui m'a empêché de vivre ta gloire, qui m'a empêché de vivre ta gloire, je le détruis, je le renverse au nom de Jésus, Père de Dieu. Les sorciers qui menacent, les sorciers de ma famille, les sorciers de ma vie, je les brise, je les détruis au nom de Jésus, Père de Dieu. Tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui ont juré, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, Père de Dieu, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé. Kati Kajina la Jésus-Christ. Baba la Mouka Mangale, Seigneur Dieu. Ou Jone Kalije Ojitokuze. Parce que le Dieu en qui je crois, le Dieu que je prie, c'est un Dieu miracle, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui délivre, c'est un Dieu qui l'admet. Le Dieu capable, Père, Saint-Esprit, ce soir, qu'il tombe, qu'il recule, qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti dans mon milieu professionnel, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Kati Kajina la Jésus-Christ, Kati Kajina la Jésus-Christ, Mungu na Mokonzi. Père, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Si on peut nous chanter un petit. Dans une minute, deux minutes. Maïsha yene mana ni kumutumikia. Juste ça. Nous sommes en train de nous investir dans la présence de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Dieu nous a sélectionnés. Dieu nous a invités dans sa mission. Bien-aimés, il n'y a pas d'autre vie meilleure que de servir Christ. Uzimani Yesu Mokonzi. nina o moyo ni taima uzima ni Yesu moko o halie alie iki ya moni akika akanitilia ota o halie alie iki ya Shiba na shiba roho ni ya Mungu na mtu wa mbinguni ulimo napata kukaa nuruni kabisa na nuruni Yesu moko. Que chacun dise à Dieu, donne-moi la force, la capacité de te servir, d'être assidu au temple, d'être chaque jour à l'église, comme les apôtres, que je sois aussi à la place où tu me veux comme Habakkuk. Prions le Seigneur. Père, merci ce soir. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, l'Esprit qui était Saint-Esprit sur les apôtres. Papa, fais en sorte, Saint-Esprit, que cet Esprit Dieu soit sur moi, pour que Dieu, tu me vois dans ton œuvre, tu me vois dans ton service, Saint-Esprit, pour que je serve à ta gloire, Saint-Esprit, que je serve à ta gloire, Seigneur Dieu. Baba la mouka, gloire soit rendue à toi ce soir. Katika jina la Jésus Christ. Père, merci. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus-Christ, Dieu. Nous t'élevons ce soir, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Oh Dieu, merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Dieu. Père, merci. Oh Dieu. Nous prions pour l'Église. Que Dieu amène l'Église dans sa dimension d'extension. Les deux chers qui sont ici, que Dieu se glorifie. Le jour où Dieu va ouvrir les extensions de la source féconde, bien-aimés, que tout s'en parle. Parce que ceux qui avaient été frappés par les démons, les autres, quand ils ont vu, la Bible déclare, la renommée de Jésus était partie partout. À travers cette prière, que Dieu se manifeste dans cette église et que Dieu porte cette église dans cette dimension d'extension. Et prions aussi pour les pasteurs au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, merci ce soir. Nous prions, Papa, Dieu Tout-Puissant. Tu veux que le peuple soit sauvé. Donne la dimension d'extension. Père, nous prions pour la dimension d'extension. Cette église doit aller de l'avant. Cette église doit aller loin, Seigneur. Cette église doit conquérir, Saint-Esprit, beaucoup de territoires qui sont occupés par l'ennemi. L'ennemi doit céder. Yesu Masia, afin que l'église se propage, afin que l'église s'étende, Dieu, jusqu'aux extrémités. Avec toi, c'est possible, Père. Nous recommandons les visionnaires. Nous prions pour les pasteurs dans cette vocation, dans cet appel, dans cette vision. Soutiens le Seigneur, pourvu que Dieu, les chers qui sont devant, puissent trouver la place, que les églises soient ouvertes, qu'on ouvre les églises et que ce qui soit faux, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père. Oh Père, merci. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te... Pendant une minute, nous allons prier pour notre orateur. Nous allons demander à ce que le Seigneur le garde, qu'il le protège, qu'il le restaure, qu'il lui redonne encore de la force afin de servir encore Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier pour notre orateur de ce soir? De Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pendant que la chorale nous accompagne, nous allons offrir à Dieu ce que nous avons prévu pour le Seigneur. Nous pouvons passer pour offrir à Dieu. Que le Seigneur bénisse. Bye.